On encule tellement, t'auras du mal à t'asseoir. Nous on tire des rafales, je te fais des trous, tu seras une passoire. La violence dans mon rap, dans mon texte, c'est elle-là. Jérémy, c'est la Phoenix, sa mère, c'est elle-là. Les prédateurs finissent par damer au dîner. Un pied rencontre une tête, on appelle ça se faire piétiner. Les gens sont chauds, ils ont les couilles qui remontent jusqu'au vent. La distance, on sent pas les couilles, on tire plus on rentre. Le même fond, peu importe le secteur. La tête fait des pédaveurs, fait pas voir les déserteurs. Je te l'ai déjà mis, son cul me reconnaît quand je m'y mets. Si t'écoutes bien mes faces, tu comprendras que tu vas t'incliner. Coffre, coffre, la margne bas, t'es un vieux bas, laisse-la ce plat, nous on peut pas tomber plus bas. Tu te souviendras ce son grâce à tes cicatrices. 92 sur le temps du holster, Ninès et puis Brie. On vient humilier, la porte du rap fracassée par un pilier. Le 9 nous a commis d'office, on fait notre propre justice. Violent, retour à la réalité pour les acteurs. On est né professionnel, ça fait quoi d'être amateur. Violent, Ninès, Brise, Sultan. Le 9 nous a commis d'office, on fait notre propre justice. Violent, retour à la réalité pour les acteurs. On est né professionnel, ça fait quoi d'être amateur. On va tout rire, violent comme le GIA. L'atmosphère tu respires c'est l'Alia. Un bon son à l'ancienne dans le Mia. Un cousin c'est la hasla dans cette dunia. Ça peine de khara, ça nique le hela. Le chétan nous a poussé avant la khabra. La ta'liya, quand ça sent la volaille. Quand ça défouraille et quand ça sent la douya. La rage est dans le sang, aussi dans le son. Un bon son pour les blocs, il faut le bon son. Tu connais c'est la croix de ton caisson. On a vidé notre chargeur dans tes bas-fonds. Espèce de bouffon, ça sort du ghetto. Au chant du coq, c'est le faux qui résonne gros. 80 tous au scène, c'est le bordel gros. Où les scènes obscènes sont souvent volontaires. On vient humilier, la porte du rap fracassée par un pilier. Le 9 nous a commis d'office, on fait notre propre justice. Violent, retour à la réalité pour les acteurs. On est né professionnel, ça fait quoi d'être amateur. Violent, Nilnes, Brise, Sultan. Le 9 nous a commis d'office, on fait notre propre justice. Violent, retour à la réalité pour les acteurs. On est né professionnel, ça fait quoi d'être amateur. Bord dans les hands, Malakoff, un bolide. Accélère de la drogue dans mon coq, je perds des SNF violents. Je me fais sucer au volant, le gars c'est pas une blague, il se trouve peut-être en dessous d'un collant. D'une chatte sale, faut contrôler des chakras, même si les meufs elles kiffent quand tu te comptes pas comme un chacal. C'est macabre, sur le terrain on n'a pas le time, mais quand on se fait courser, on se tord cou, souvent y'a pas de casque. Glacé planqué dans le rectum, on ferme les yeux quand on sait combien d'années des frères écopent. On est dur forgé dans l'écorce. J'ai la dalle depuis tout gosse, car j'avais pas de goûter à l'école. Demande aux profs du lycée si la C elle est bonne. 92 c'est la CE à l'époque. On fait du rap, on en est fier. Je m'en bats les couilles de ta life ou de ce que t'as dans les fesses. Aïe aïe aïe, c'est violent poteau.